les chefs d'État de la zone, en plein accord avec les responsables français, ont décidé de dévaluer le franc CFA et le franc comorien et de maintenir l'unité de la zone franc. Cette mesure courageuse, prise par des États souverains après une longue réflexion, est le témoignage que l'Afrique prend son destin en main et se donne à long terme les moyens d'assurer son développement et le bien-être des populations. Elle est à mes yeux le témoignage de la maturité et de l'esprit de responsabilité de ces États, qui au lieu de se laisser porter par la fatalité de la crise économique, ont décidé de s'adapter aux réalités par un ajustement de leurs économies. Loin de distendre, comme je l'entends parfois, les liens traditionnels que ces pays entretiennent avec la France, cette mesure contribuera, j'en suis convaincu, tout au contraire, à les renforcer, tout en accroissant leurs chances et leur permettant de reprendre la marche vers le progrès. Alors, comment en est-on arrivé là ? Analyse du politologue Jean-François Bayard au micro d'Anne Blancard dans l'émission Mémoire d'un continent de RFI.